Fils un homme était sur le bête. Quand il courait entre les ronces, épouvanté, le soulier lourd, les mains en sang, le visage rouge. Était-ce un homme, était-ce une bête? Des branches craquaient sous d'autres pieds, il ne savait pas où aller, peut-être à gauche, non pas là ça bouge. Alors il fonce dans une plaine où n'apparaît pas même une ombre, pas un talus, pas un fossé où il pourrait, se reposer. Était-ce un homme, était-ce une bête? Quand il courait entre les herbes, épouvanté, le souffle court, le soulier lourd, le visage rouge. Et tout à coup, dans l'herbe folle, un des chasseurs épaulé tire. Puis vint un autre, puis dix, puis cent, et l'horizon, soudain scintille. Était-ce un homme, était-ce une bête? L'homme est tombé, il rebondit, et puis chancelle, fait quelques pas, et pour finir, il s'immobilise. Un flic dit que c'est fini.